الرجيم. طيب بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، الحمد لله رب العالمين. طيب ما هو الاسم الشرعي القريب عندك يا وهبي؟ نعم. زنطني لا؟ نعم. رفشي بس قم بعد يا عبد الله رفشت بس. المؤنث أو مذكر؟ مذكر. هذه مذكرة. هذا. طيب avec un exemple c'est bien de donner un exemple frère. Maintenant vous savez c'est quoi مبتدا خبر. هذا. هذا تسجيلة. هذا تسجيلة. هذا كتاب. طيب هذا كتاب. طيب un exemple عقل. On dit تسجيلة. هذا مجيد. عقل عقل عقل صديق واسع. هذا محمد. هذا محمد. très bien. طيب ان شاء الله. المؤنث قريب. هذه ان اكزامبل. هذه سياره. هذه سياره ان اكزامبل. عقل. هذه طبيبه. مثال للبعيد. تلك سياره. تلك سياره ومذكر. Un exemple. ذلك رجل. طيب. Comment dit une infirmière? ممرضة. طيب. Un jardin. حديقة. حديقة. La canne. La femelle du canard. بطة. بطة. طيب. La chamelle. ناقة. طيب. Les œufs. بيضة. Comment? بيضة. بيضة. بيضة. بيضة. طيب بسم الله الرحمن. On a vu le texte hier dans le son vita dans ce plan. بسم الله يا خنا. Grande اقرا واكتب. C'est la lecture. بسم الله عبد الكريم. Vas-y. من هذا؟ لا. Le grand exercice grand 2. هذا الولد خالد. خالد. خالد. وذلك الولد. الولد محمود. لا لا. محمد. طيب هذا الولد خالد وذلك الولد محمد. ان شاء الله j'ai plus besoin de dire hausse la voix là, il y a pas de bruit là hein, tout le monde doit dire à voix haute là. بسم الله الرحمن. هذا الرجل مدرس وذلك الرجل مهندس. ما شاء الله. Tout le monde dit comme Wahhabi, c'est bien. هذا البيت التاجري. هذا البيت التاجري. Si vous voulez dire. هذا البيت. Non, c'est là, c'est là. Grand 2. هذا الكتاب جديد. جديد. هذا الكتاب جديد وذلك الكتاب قديم. قديم. نعم. سيبا. هذه السيارة لعلي وتلك لخالد. هذا لينب. لكوا؟ هذا. ها؟ C'est quoi ce mot, lab? Du raisin. Il écrit Aïnab là? Non, tu fais pas exprès, Mohamed, quand même. Non, non. C'est pas... Oui, dis-moi où il y a un Aïn. C'est ça que je comprends pas, moi. Où il y a un Aïn pour dire Aïnab? Alif ou Alam, après. Il y a quoi? Il y a un Aïn? Meftouhoun. Meftouhoun, meftouhoun. الباب. مغلق. هذا الباب مفتوح وذلك الباب مغلق. لمن هذه السيارة؟ رياض بيان. السيارة. رياض بيان الله يحفظك. تي دون بون اكزرسيس؟ ها؟ سي بون؟ طيب فازي الوغ. لو نيميرو لا لين 6. بارسون ديا. لمن

الحقيبة للمدرس. Très bien. هذه الحقيبة للمدرس. Tout le monde a compris, Inch'Allah? Grand 4, il parle le mythal et l'ati. Qu'est-ce que c'est? Si j'ai bien compris l'exercice. En fait, on a mis l'alif lam pour le rendre. Ma'rifa. Il devient ma'rifa. C'est tout. Voilà, il y avait juste ça à faire. Mais au niveau de l'i'arab, de l'année grammaticale, ce ne sera plus comme avant. Tu ne dis plus khabar. Voilà, ça, tu le verras après, Inch'Allah. Voilà. Le fait de dire hada tabibun min al-hind, hada mubtada, tabibun khabar, min al-hind, min hafjar al-hind, majrur. Mais le fait d'avoir dit hada at-tabibu, tu dis hada mubtada, tabib badal. Après, min al-hind, jar wa majrur. Mais ça, vous ne l'avez pas vu. Al-badal, en quelque sorte, vous comprenez. C'est quoi ? C'est-à-dire hada at-tabib, hada c'est qui ? Adam. Hein ? Les frères, vous êtes avec moi là ? Ah, c'est docteur, ça se voilà. Hein? At-tabib. Et tabib, c'est men? C'est hada. Hada ma'an al-badal. Mefhoum? Iqra al-mithal al-ati, thumma kawun as'ilatan wa ajwibatan mitlahu. Taïb, il te demande quoi? Barakallahu fikoum. Lis les exemples suivants. Puis kawun as'ilatan wa ajwibatan. Puis forme des questions et des phrases. Des questions et des réponses. Taïb. Mithal. Liman hada al-kitabu. Hada al-kitabu. Tu diras quoi? Li Muhammadin. Vous avez compris là? Tout le monde dit? Taïb, on fait le numéro ensemble. On a quoi devant nous? Un stylo, qalamun. On dira quoi? Liman hada al qalamu. On dira quoi? Hada al qalamu. Li Abbasin. Très bien. Vas-y, Abdelkarim. Liman. Ah bah les frères, pour tout le monde. Là, il n'y a plus de bruit, normalement tout le monde entend. L'imène, hada al-miftahu, hada al-miftahu li aliyin. Très bien. L'imène, hada al-miftahu li aliyin. Au suivant. L'imène, hada al-sayyaratu. Très bien. Hada al-sayyaratu lil-mudiri. Très bien, mashallah. L'imène, hada al-barak, al-bak. البكرة très bien ما شاء الله هذه البكرة من للفلاح هذه البكرة للفلاح لا للفلاح للفلاح il fait quoi le travail li on a dit il rend le mot d'après avec une كسرة vous vous souvenez بارك الله فيك لمن هذه البكرة هذه البقرة للفلاح. سأجيك قوي فلاح يا عبا يا صبا. فهمي. Très bien. C'est bon. لمن هذه الحقيبة؟ هذه الحقيبة للمدرس. Très bien. لمن هذا الكرسي؟ الكرسي. هذا الكرسي. لعمار. Très bien, suivant. Liman hadhihi dajajatu. Hadhihi dajajatu li bayti al-falah. La, li binti. La fille du falah. La fille du fermier. Liman hadhihi dajajatu. Hadhihi dajajatu li binti al-falah. Liman hadhihi sa'atu. Sa'atu, la. Sa'atu. Sa'atu, na'am. Ça on fait la même faute. Encore la même faute. Voilà. El Moudiri. Très bien, Mashallah. Quelle est la différence entre Sa'atu et Sa'atu? La montre à l'heure. Non. Tu connais? T'as utilisé la montre au pluriel. Sa'atu. Ça, c'est le pluriel. Jam'a mu'annath salim. Et on le verra, Inch'Allah. Taïb. Au suivant. L'iman hadhi al-mil'aqatu. Répète, répète. L'iman hadhi al-mil'aqatu. L'iman hadhi al-mil'aqatu. Hadhi al-mil'aqatu. Littalibi. Littalibi. Littalibi. Très bien. Tout le monde a compris, Sadar. Saber, vous avez compris, c'est bon? Toutou. C'est-à-dire, vous utilisez le lam ici. Ça devient comme une appartenance. Vous me demandez liman hada daftar, hada daftar li Abdillah. Liman hada al-qalam, hada al-qalam li Abdelkarim.